C'est qui, dans le fond, qui fait des menaces puis du chantage? C'est qui, dans le fond, qui se conduit d'une façon abominable avec les populations puis les enfants? C'est qui, dans le fond, tu sais, je veux dire, ou les serviteurs de Tso, ceux qui sont, dans le fond, là, les esclaves de Tso font encore plus pitié que ceux qui le subissent, parce que eux autres, la dette, elle va être, tu sais, c'est quoi l'affaire des lacs de feu, imagine, là. C'est ça la vraie, vraie mort. Il n'y aura plus rien, là. Tu n'auras plus de mémoire, tu n'auras plus de conscience, tu n'auras plus aucun souvenir de toi-même, tu n'existeras plus, là, le néant. Tu sais, je veux dire, il n'y a même plus possibilité de. Non, non, maintenant, il va avoir un. Il va être là, ce grand. Ça va être le grand reset. Tu sais, le vrai. Ce monde-là, ils font pitié. On est supposé aimer les autres. Ça n'a jamais été spécifié ni la couleur, sauf quand ça a été dit d'aimer ses ennemis. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont. S'il y a une possibilité de changer ce monde-là, faut quand même l'essayer pareil. C'est pour ça la parole. Oui. C'est important de parler. Parce que comme je dis, là, moi, c'est à ce niveau-là. Parce que c'est à ce niveau-là que ça se joue. C'est vibratoire.